Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Non Essentiel, votre magazine, votre émission culturelle que vous écoutez chaque semaine sur Radio No Culture. Et cette semaine, ben, comme la semaine précédente, on va présenter des œuvres culturelles, des œuvres tout court d'ailleurs on peut dire. On a déjà remanié un peu la formule puisque la semaine dernière on était un peu pressé par le temps et 5 œuvres c'est un peu beaucoup, on a décidé de réduire à 4 pour cette semaine et puis ben, on verra au fur et à mesure si ça passe ou pas, si c'est trop long, si c'est pas assez. Et cette semaine on va commencer en musique avec une artiste, une chanteuse qui a un groupe avec elle mais qui se présente en tant que chanteuse. Et puis en plus cette semaine pour présenter notre deuxième sujet, on a un invité qui n'est pas le même que la semaine dernière. Aujourd'hui c'est Bichente Ribrin. Salut. Bonjour Mathilde, ça va? Ça va très bien et toi? Ben, c'est bon, je suis très content d'être là donc... Donc tout va bien. Parfait. Le deuxième sujet sera pour toi. Non, le deuxième sujet sera pour nous deux puisqu'on va présenter, on va discuter un peu d'un format d'écoute, d'un format d'écoute de musique. Donc on vous en dira plus tout à l'heure. Quatrième sujet, on va repartir sur Internet et sur YouTube exactement pour présenter une chaîne qui parle de cinéma, de films. Plus précisément de films d'il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années maintenant, quasiment, ouais, même passé. Et on va finir avec toi, Bichente, qui va nous présenter... Un mouvement musical qui se situe au Pays Basque dans les années 80. D'accord. Je pense que ceux qui connaissent pas ça déjà... ceux qui connaissent savent déjà de quoi on va parler. Vous écoutez Non Essentiel, on est sur Radio No Culture, c'est parti. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Voilà, on va parler de culture pendant un peu moins d'une heure. On verra comment ça se passe cette semaine. On est encore en cours de rodage. C'est que la deuxième édition. Donc on va prendre le temps un peu de faire ça bien. Et on va commencer par de la musique. Et je vais vous présenter Fanel. Fanel qui est une artiste. Son vrai nom c'est Béra. Elle se présente Béra, mais son nom de scène c'est Fanel. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire Fanel. Mais j'imagine, quoique je ne suis même pas sûr, que c'est un rapport avec le Japon. Parce que, alors je ne sais pas si tu as écouté ce qu'on va voir là, Bichente. Alors j'ai écouté un extrait. Ouais. Voilà. Donc c'est une chanteuse toulousaine qui a sorti un premier EP, un premier album pardon, en 2019 qui s'appelle Human. Donc c'est de la pop. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Si, oui. Non, c'est de la pop. Oui. C'est de la pop avec une énorme influence japonaise. Parce que bon, déjà elle chante en japonais, en anglais et en japonais, il faut quand même le dire, et avec des instruments venant tout droit du pays du soleil levant. C'est pas seulement l'aspect musical avec les gammes japonaises qui sont là, mais elle a vraiment travaillé le concept, le truc. Donc évidemment le visuel part aussi côté du Japon, etc. Mais c'est aussi mélangé à des nappes de synthé, des percussions, des fausses percussions un peu plus synthétique pour le coup, et qui amène ce côté un peu pop moderne et mine de rien quand même très travaillé. Et donc son premier album qui est sorti en 2019 qui s'appelle Human, et bon là elle s'amuse un peu sur l'album puisqu'elle est toute seule en tant que représentante de ce projet. Elle peut s'amuser à mettre 26 000 instruments si elle a envie et elle s'en prive pas. Mais par contre sur la scène forcément là elle est obligée, puisqu'elle a très peu recours quand même à des instruments virtuels, à faire venir avec elle des musiciens. Alors généralement, ils sont trois avec elle. Donc il y a un clavieriste et une percussionniste qui sont très souvent avec elle, que vous pouvez voir très facilement sur YouTube, etc. Et elle chante avec des instruments. La dernière fois, d'ailleurs, je suis tombé sur un instrument, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, je n'ai même pas pu trouver, parce que je n'aime pas le mot, c'est une espèce de valise accordéon un peu étrange. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais vous pourrez aller voir ça sur sa chaîne YouTube et pareil nous dire... Ça se joue comme un accordéon? Non, c'est très bizarre. C'est comme... imagine une valise. Parce que dit comme ça, je n'arrive pas du tout à m'imaginer comment ça pourrait être. C'est très bizarre. Et en fait, je ne sais pas, je n'arrive même pas à entendre... Enfin, j'ai écouté ça sur le portable, donc j'avoue que j'ai pas eu une très bonne écoute dessus, mais elle a une espèce de... Tu vois, une valise ancienne des années 70-80. Et dessous, il y a une espèce de clapet qui s'ouvre, qui se ferme. D'accord. Et en fait, elle le fait aller venir pendant toute la chanson comme Un accordéon qui s'ouvre, qui se ferme. Oui, voilà. Un soufflet, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah oui, un soufflet. Un soufflet, soufflet ouais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et elle fait ça pendant toute la chanson. Et dessus, je vois qu'il y a des notes, mais je pense... Je la vois pas jouer avec, alors j'imagine que la chanson est un peu spéciale. Ben, elle reste sur la même note de la chanson, mais c'est quand même assez étrange. Vu que j'ai aucune idée du nom de ce truc, j'ai pas pu aller chercher ce que c'était. Mais je vous laisse faire vos propres recherches, parce que c'est quand même assez facilement trouvable. Enfin, la vidéo est facilement trouvable sur YouTube. Donc voilà, elle est aussi plutôt active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et elle fait quelques vidéos de temps en temps pendant les confinements. Elle a fait pas mal de live en streaming avec son claviériste, et elle était beaucoup percussion elle. Et puis elle fait quelques reprises maison aussi très souvent. Là, on va vous en faire écouter un petit extrait. C'est une reprise de Haim, que je ne connais pas, un groupe H-A-I-M, je ne connaissais pas le groupe. Et elle fait une reprise toute seule au looper. Le looper, tu vois ce que c'est ? Pas du tout. Looper, c'est, je ne sais pas si on peut appeler l'instrument, un outil qui permet d'enregistrer une partie, un chant, un instrument, etc. et de le faire ensuite boucler à l'infini ou pas. Et après, du coup, elle toute seule, elle peut faire ça, elle rajoute au fur et à mesure, elle commence avec des claps, elle chante, elle fait des mélodies, elle fait des percus, etc. Puis elle rajoute petit à petit les pistes sont au fur et à mesure. Et elle a fait ça toute seule en live sur... moi, j'ai vu la vidéo sur Facebook, je pense qu'elle est sur Instagram aussi. Et là, je crois que c'est à peu près vers la fin du morceau. C'est quand même assez impressionnant, on écoute ça. C'est une reprise par Fanel du groupe Haim. Donc vous pouvez écouter cette chanson en entier sur la page Facebook de Fanel. C'est quand même assez impressionnant. Elle a fait ça juste toute seule avec un seul micro et donc ce looper où je crois qu'elle a quatre pistes différentes pour enregistrer, pour faire des boucles différentes. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses comme ça ? Dit comme ça, on dirait pas qu'elle est toute seule quand même. Non, ça c'est sûr qu'on dirait pas qu'elle est toute seule. Mais non, c'est plutôt pas mal. C'est pas ma tasse de thé, mais c'est vrai que c'est bien fait. C'est là une jolie voix, et puis sur cet extrait-là de faire tout soi-même, c'est quand même intéressant de avec sa voix de faire tout de faire tout un morceau, c'est quand même assez sachant qu'en plus là pour le coup elle le fait vraiment en live, elle se filme elle-même et c'est pas des choses qu'elle a pré-enregistrées. Elle a vraiment juste un micro, elle commence à clapper, hop, s'enregistrer sa boucle, elle commence à faire des choses un peu étranges avec sa voix pour faire des percussions, paf, ça boucle tout de suite. Donc c'est vraiment de l'instantané, c'est du live quoi. Le gros problème de cette technique, même si c'est très intéressant pour quelqu'un qui est tout seul, c'est que finalement t'es obligé pour créer ta chanson d'avoir toujours un peu la même structure. Tu pourras jamais démarrer directement sur quelque chose avec tous les instruments, parce qu'il faut le construire petit à petit. C'est un peu la limite du looper, mais quand même, pour ceux qui ne connaissaient pas et ceux qui ont envie d'essayer, c'est quand même un outil assez puissant. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des concerts en solo, qui l'utilisent, pour la guitare notamment, sur des instruments aussi. Ça. Tout à fait. Il y avait une chanson qui s'appelait Black Horse, je crois, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je crois que c'était dans une pub de je ne sais plus quoi, où elle construisait sa chanson comme ça aussi. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, surtout pour le live, parce que pour le coup, cette façon de construire toutes les chansons peut être un peu redondante. Forcément, parce que tu es obligé de commencer en crescendo tout le temps, à chaque chanson. Mais pour ceux qui maîtrisent bien le truc, ça peut devenir très vite un outil un peu ultime et assez impressionnant. Non, et puis c'est aussi le fait de faire tout soi-même. Ouais. C'est surtout ça. On n'a pas, il n'y aura jamais de problème avec les autres membres du groupe éventuels. C'est quand même l'avantage principal. C'est tout à fait vrai. Attention, j'avais un copain, on en parlera peut-être un jour, qui utilisait un looper aussi, dans ses, qui était tout seul, qui utilisait un looper assez élaboré. Je crois qu'il avait deux voix, avec dedans des effets, des échos, un peu de distorsion pour sa guitare, etc. Qu'il utilisait très bien. Et il me disait que finalement, le vrai problème, c'est que justement, il était tout seul. Et partir à 2h, 3h chez toi pour faire un concert, quand t'es tout seul, t'emmerdes un peu, quoi. Non, c'est sûr. C'est voilà. Sûr. Mais au moins, t'es en communion avec ton public. Là, t'as pas le choix, là. Espérons qu'il y ait un public devant, parce que sinon, on se sent très, très vite seul, quand même. Donc ça, c'était Fanel qui reprenait Haim, que je connais pas. Bon, peut-être s'attarder un jour dessus. Haim, ça s'écrit H-I-M. Donc c'était une reprise de ce groupe-là qu'on vient d'entendre. Elle est quand même moins active sur YouTube, mais il y a quand même y a peut-être des choses moins actives, mais plus travaillées, je dirais. Donc tout ce qui est clip, c'est là-dessus. Il y a quelques concerts, il y a même un vlog qu'elle a tourné, évidemment, au Japon, parce que avec un concept pareil, évidemment, elle finit au Japon. Elle est éditée au Japon sous un label japonais aussi. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Fanel ? Non, mais bon. Pas ta tasse de thé. Si je me mets au yoga, peut-être j'écouterai un jour. On va écouter une chanson de Fanel qui est donc de son album Human sorti en 2019 qui s'appelle Men, qui est en japonais. Alors on a cherché parce que c'est un peu compliqué à traduire ce genre de concept. Ça voudrait dire aspect, mais aspect vraiment visuel d'un homme ou d'une femme, plutôt le visage, l'aspect extérieur de quelqu'un, quoi. Pas seulement l'aspect d'un bâtiment, par exemple, mais vraiment de quelqu'un. Donc, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire, c'est ça. C'est Men et c'est de Fanel. Oh, Fanel avec la chanson Men, extrait de son album Human, sorti il y a 2 ans, 2019. Donc ouais, t'as écouté, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pour le yoga, c'est très bien. Non, j'aime bien et je me disais même que le japonais est vraiment une langue assez séduisante. Assez séduisante, oui. Je trouve ça assez joli et bon, c'est pas ce que je recherche dans la musique à la base, ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, en faisant la cuisine ou comme ça, je pourrais écouter ce genre de choses. Mais je t'enverrai le lien de l'album. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même assez travaillé, des voix partout. Puis je trouve que le mixage est vraiment bien foutu. Le côté un peu électro est plutôt discret, mais vraiment bien foutu. Voilà, je sais pas quoi vous dire pour essayer de vous convaincre d'aller écouter Fanel. En tout cas, nous on va continuer sur un autre sujet tout de suite. On est dans Non Essentiel. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Est-ce que tu manges du fromage et du jambon, des choses très concrètes? Alors énormément, énormément. Je pense que si je pouvais, je ne mangerais que ça. Du fromage et du jambon. Des choses très concrètes. Ouais. D'accord. On va passer à notre deuxième sujet. On va juste discuter un peu parce que je sais que toi, tu es un amateur de vinyle. Moi, pas du tout. J'avoue que j'ai jamais pris cette habitude-là et j'écoute la musique beaucoup sur Internet et sur mes petites enceintes. Ils sont pas trop dégueux, on va dire. Ils sont pas folles, mais c'est pas mal. Toi, tu écoutes beaucoup ça. Alors, pourquoi tu écoutes beaucoup de vinyle? Alors, déjà, j'écoute beaucoup de vinyle pour une chose, c'est pour l'objet. D'accord. Parce que j'adore l'esthétique, si tu veux. Je trouve qu'il y a des albums qui sont magnifiques. Oui. Et de les avoir en gros, c'est quelque chose qui est... Enfin, en gros format. Tu veux dire déjà l'objet, le vinyle en lui-même, mais aussi la jaquette, exactement, le dessin, la présentation. D'accord. Tout ça. Et puis surtout, je pense que j'ai été vers le vinyle parce que ça me rappelle la musique que j'écoute, moi, qui est plutôt une musique des années 70-80. Hein. Donc du coup, voilà, si tu veux, ça me permet d'être en accord avec la musique que j'écoute. D'accord. D'avoir le format originel de la musique que j'écoute. Comme il a été pensé, quoi. Exactement. D'accord. Question son, il paraît, alors je ne suis pas capable de le dire parce que je n'écoute pas encore une fois pas beaucoup de vinyle, il paraît que le son est meilleur sur un vinyle que n'importe où ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je trouve aussi, il y a un petit côté, si tu veux, le petit crépitement sur les vieux vinyles que j'aime bien. Alors le son, je pense, n'est pas meilleur, mais il est plus authentique. D'accord. Moi en tout cas, qui ne connais rien en son du tout, je ne fais pas la différence entre un bon son et un son moyen, si tu veux. Un mauvais, je vais le reconnaître, mais voilà, son moyen. Mais je pense que le vinyle, c'est plus l'authenticité et justement les imperfections qu'il peut avoir sur le vinyle qui fait son charme aussi. D'accord. Et après, quand même, il a des défauts dans le sens où c'est quoi un vinyle? C'est une demi-heure, deux fois un quart d'heure, deux fois 20 minutes, quelque chose comme ça? Non, ça peut être. Je ne sais pas s'il y a une limite. Alors, certes, il doit y avoir une limite, mais ça, c'est assez long. C'est comme un album, si tu veux, CD. Hein, mais en coupé en deux fois quand même. Oui, coupé en deux fois. Il faut quand même retourner souvent. Et en plus de ça, l'autre défaut, c'est quand même le prix d'un vinyle. Oui. C'est cher quand même. Je ne sais pas si tu peux me donner une fourchette de prix à peu près. Alors, un vinyle neuf qui sort, parce que maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui ressortent des vinyles. Mais... ça va être 15-20 euros, entre 15 et 25 euros. D'accord, c'est pas beaucoup plus cher qu'un CD, un disque laser. Un disque laser, c'est quoi, 10 euros? Non, je pense ça dépend. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça tapait bien dans les 15 euros, il me semble. Je sais pas dire de bêtises, mais après oui, aujourd'hui... Moi j'achète beaucoup d'albums de petits groupes, donc ils essayent aussi de limiter leur prix pour pouvoir en vendre plus facilement. Mais je serais plutôt dans 10 euros, mais pour moins de chansons, pour 7-8 chansons. Les vinyles, je sais, prendre t'as Led Zeppelin et tout comme ça, t'as quand même 10, 11, 12 chansons dessus, non? Oui, c'est ça. C'est plutôt des longs formats. Oui. Aujourd'hui, on a tendance à un peu raccourcir quand même. Mais après, par contre, les vinyles anciens, parce que justement, si j'étais vers le vinyle, oui. C'est pour... Moi, ce que j'aime beaucoup, avoir les vinyles, pas ceux qui sont édités aujourd'hui, qui ont été pressés l'année de sortie, et si je peux, dans le pays d'origine. C'est-à-dire que... Comment ça ? Ben, si j'écoute, admettons, Queen, je vais essayer d'avoir la presse de l'année de sortie de l'album, et qui a été pressée et qui est sortie en Angleterre. D'accord, parce qu'après, il y aura des différences si jamais il est sorti en France, par exemple. Alors, juste pour toi, pour ton plaisir personnel. C'est mon plaisir personnel, d'accord. Mais par contre, ça y fait énormément sur le prix, parce que c'est très recherché. Ah ouais. Par exemple, j'ai un CD, alors des... Un vinyle, du coup. Un vinyle de... mince. T'as plus le nom. J'ai plus le nom, c'est très connu. Des Cure. Oui. Des Cure, qui est donc... le CD de l'année de sortie et du pays. Ouais, les Cure, ils sont anglais ou américains ? Ils sont anglais. Ils sont anglais. Et du coup, celui-là, je l'ai payé 80 euros. Ah oui. Voilà. Ouais, après pour le coup, c'est vraiment de la collection, quoi. Oui, il y a de la collection. Mais je l'écoute. Il n'est pas là juste pour faire joli dans mon appartement. Je l'écoute. Bien sûr, mais tu as pris cette version-là. Pour la collection, tu vas sur Spotify ou sur YouTube, tu écoutes le même album finalement. Voilà, exactement. Mais tu l'as vraiment pour la collection, pour avoir le plaisir du... Tu peux nous dire combien de vinyles tu as ? Tu saurais nous dire ? Alors je pense que je dois en avoir une cinquantaine, peut-être 60. Ouais. Ouais. Alors il y a des biens, il n'y en a jamais pas 60, ça c'est sûr. Moi je tourne sur 20 vinyles et encore je suis assez gentil sur ce que j'écoute. Mais non, je tourne sur... après j'en ai 60, mais parce qu'on m'en a donné beaucoup aussi. Parce qu'il y a énormément, si tu vas dans les greniers chez les gens. Oui, je sais. Tu as juste à demander les vinyles. Et des fois, tu trouves des petites pépites et tu trouves quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde aussi. Ça, c'est vrai. Moi-même, j'ai récupéré un paquet, je ne sais pas combien, de mon grand-père, je crois. Donc, je crois que c'est un peu mélangé. Il y a mon grand-père, il y a ma tante. Il y a beaucoup de choses très, très kitschouilles. Vraiment très kitschouilles, mais il y en avait deux bacs entiers. Je ne sais pas comment ça représente. Ouais. Un bac, ça fait 50 cm deux fois, bien une cinquantaine, quoi. Ouais, voire plus. Donc voilà, si on cherche des vinyles, finalement, faut pas aller très très loin, quoi, pour en trouver. Non, mais il y en a beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, dans mon cercle d'amis et de famille, eh bien, la musique, ils n'aimaient pas trop ça. Parce que, vraiment, ou en tout cas, il n'aimait pas tel que je l'aime. Parce d'accord. Que j'ai même un vinyle de Michel Sardou. Hein. Ah oui, effectivement. D'accord, c'est très différent de ce que toi t'écoutes. Et on verra ce que toi t'écoutes en fin d'émission, d'ailleurs. Voilà, je crois que pour les vinyles, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus ? Toi, c'est du coup pour un peu sommaire, ça c'est pas du tout un mot qui existe. Pour résumer plutôt, toi c'est plus pour l'objet de collection, quoi, pour le plaisir de l'avoir entre les mains aussi. Mais il y a aussi le côté que j'ai pas dit, mais qui marche aussi avec le CD. Mais moi j'aime bien ne pas consommer la musique, si tu veux, comme elle est faite maintenant, c'est-à-dire faite pour des tubes. Moi j'aime bien l'album. D'accord. Si tu veux, moi un album il faut l'écouter en entier. Ouais. Surtout dans ces années-là, c'était fait pour des albums et il y a des groupes, tu peux pas les écouter indépendamment les chansons. Tu peux les écouter, mais tu vas perdre ce qu'ils veulent dire à travers cet album. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter en entier et que les chansons à l'époque étaient pas faites pour être écoutées. Le message n'est pas délivré sur une chanson, mais sur l'album entier. Exactement. C'est plutôt une espèce de... On va pas jusqu'au concept album, mais que quand même il y a des thématiques forcément liées au moment où ces gens-là ont enregistré aussi, parce que les méthodes, les moyens et les temps d'enregistrement n'étaient pas du tout les mêmes. À l'époque, c'était vraiment... Ils enregistraient un album entier sur quelques jours, quelques semaines au maximum. Donc c'est une espèce d'état d'esprit qui est vraiment mis dans l'album. Mmh. Et je suis assez d'accord avec toi pour penser un peu la musique comme ça. C'est un peu regarder une vidéo YouTube de 10 minutes ou regarder un film, quoi. On a plus de temps de rentrer dedans si effectivement ça dure un peu plus. Parce que j'ai des amis qui, par exemple, quand je vais chez eux, ils mettent l'ordinateur et ils mettent plein de chansons, une playlist. Et j'aime pas du tout ça. T'aimes pas ça ? J'aime pas ça. Surtout quand la musique est mauvaise. Mais ça, on en parlera après, la musique, si les bonnes ou mauvaises. Voilà pour notre petite discussion sur le vinyle, et on va passer à la suite. Non essentiel. Et la suite, qu'est-ce que c'est ? On va parler de YouTube. Et d'une chaîne YouTube, encore une fois, qui a parlé cette fois-ci de cinéma. On va parler de la chaîne YouTube en mode VHS. Donc, qui a été créée en 2017 par Julien Gontier et Shane Beria, qui compte 60 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui pour une chaîne YouTube de cette qualité. Et comme son nom nous l'indique, nous le fait penser, il s'attaque à des vieux films des années 80. Parmi eux, donc, il y a Bootsport, Commando, Scarface, Piège de Cristal. Bon, c'est le bon gros actionneur de bourrin, enfin, tout ce qui était un peu la tendance dans les années 80. Et donc, chaque émission est divisée en deux parties. La première, c'est Shine qui raconte le film, donc de A à Z. Donc, attention, spoiler. Si le film, vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir, il raconte la fin. C'est vraiment, il raconte tous les détails s'il faut. Donc c'est un montage qui est quand même très très rapide. Il y a beaucoup de références à d'autres films, parfois parce que les mêmes acteurs, parfois c'est complètement gratuit. Ils vont te parler de Edouard Baird, par exemple, dans Piège de Cristal, parce que pourquoi pas, parce que un acteur ressemble à Edouard Baird. Ça va très vite et ils vont garder cette blague pendant toute l'émission. L'avantage, c'est que du coup, il y a beaucoup de blagues, des blagues de bon goût, des blagues de très mauvais goût, mais complètement assumées avec beaucoup de second degré. Ils ont un langage très familier, parfois vulgaire aussi. Vraiment, c'est le pote en soirée avec quelques verres dans le pif qui te raconte un film, quoi. Sauf que derrière, il y a un mec qui a filmé ça et qui en a fait un montage ultra nerveux avec des extraits du film, des blagues toutes les demi-secondes. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, c'est ce que j'appellerais Wikipédia, mais en vidéo. C'est-à-dire qu'il raconte un peu tout ce que moi, finalement, je cherchais sur Wikipédia quand j'ai vu un film, à savoir tel acteur, pourquoi je le connais. Quelque chose qui arrive souvent, surtout dans les vieux films. Lui, je sais que j'ai déjà vu, mais je sais pas d'où. Wikipédia, je cherche, gna, ah oui, je le connais de tel film, tel rat, il a fait tel autre film, celui qui explique cela, Donc tu fais partie de ces gens qui, quand on regarde un film, disent « Ah mais oui, je connais cet acteur !» Non. Et qui sont insupportables. Non, quand je regarde le film, je me tais. Ah. Parce que j'ai des copains qui font ça. Insupportable, et d'accord. C'est insupportable. Ouais. J'ai envie de remettre des claques pour le faire taire. Mais après le film, par contre, c'est Wikipédia halluciné pour voir tous les détails du film, parce que souvent, on tombe sur des petits détails intéressants. Et donc, toujours, toute cette partie 2, en mode Wikipédia, toujours avec le même montage ultra nerveux. Bon, honnêtement, je pense qu'il faut regarder chaque émission 2 à 3 fois pour piger toutes les références, parce que ça va très très vite. Je te montrais d'ailleurs l'émission avant une des émissions avant la nôtre d'émission. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça va vite. Ça va très vite. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup même. Alors je connaissais pas, mais je pense que c'est quelque chose que je vais regarder assez régulièrement maintenant, parce que ça me plaît, c'est drôle et puis c'est léger. C'est quelque chose que, voilà, quand. Souvent, c'est vrai que sur le téléphone, moi je traîne et je ne fais rien. Et bien, au moins, avec ça, je vais peut-être pas. Je vais peut-être pas apprendre énormément de choses, mais au moins je vais passer un bon moment. Ça, c'est voilà, sûr. On passe au bon moment. Après, vu qu'ils ont seulement 60 000 abonnés, ils sont pas encore capables, d'en vivre ou même d'y passer trop de temps. Donc les vidéos tardent quand même à sortir. Ils ont sorti, je crois, il y a quelques jours, le 10e en 2017, donc en 4 ans, un peu moins 4 ans. Donc ça, ils sortent pas des choses souvent, mais derrière c'est quand même extrêmement travaillé. Ils s'amusent en plus à se mettre eux-mêmes en scène dans les films à la place d'un des personnages. Et puis c'est quand même bien fait, quoi. Après je t'ai montré le début où c'est ça, et tu n'as même pas compris que c'était le présentateur qui était dans le film. Ah oui, j'avais même pas compris. Voilà. Mais parce que je l'avais pas vu, le film. Oui. Et du coup, je savais pas qu'il existait pas dans le film. Ouais. Mais franchement, c'est assez bien fait pour qu'on y croit. Mais quand tu dis qu'ils peuvent pas en vivre et tout ça, il faut pas croire que c'est amateur. C'est très abouti quand même. Oui, voilà. Vidéo. Ils peuvent pas en vivre, mais ils peuvent. Le contre-coup, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps sur une vidéo, mais c'est quand même très très bien foutu. Mais du coup, en plus, comme ça parle de VHS, t'as une espèce d'esthétique très rétro-futuriste, années 80, néon, les paysages en arrière-plan, en moitié en 3D, rose fluo qui défile avec un grain dégueulasse et des fous de la bande, etc. Et voilà, donc du coup, ben, j'ai envie de vous conseiller cette chaîne YouTube. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus. Si, qu'ils ont quand même un autre petit format qu'ils font, ou qu'ils faisaient plutôt un peu moins souvent, qui s'appelait En mode ciné. Et du coup, qui parlait de films qui venaient de sortir au cinéma. Donc souvent, c'est ces derniers gros blockbusters. Il y a quelques Marvel. Alors, je ne vais pas savoir vous dire exactement. Oui, il y avait Alita, Battle Angel. Bon, c'est des gros blockbusters, mais évidemment, puisque c'est un sujet d'actualité, ben, ils ne peuvent pas se permettre de prendre 3 mois pour le traiter. Donc c'est plus du facecam où ils discutent un peu du film et où il y a un petit montage derrière, mais quand même le format principal c'est en mode VHS. On vous le conseille fortement. Bichente, tu es d'accord avec moi? Tu le conseillerais aussi? Oui. Et je vais vous diffuser un petit extrait de la dernière vidéo qui vient de sortir et qui s'attaque à Piège de cristal de John McTiernan avec Bruce Willis. Voilà, je vous donne un peu le début, 2-3 minutes je crois, et puis vous ferez votre petite idée. Et j'espère que ça vous donnera film d'auteur, un gros film d'auteur en vrai. Et McTiernan est considéré comme un réalisateur qui fait des films intelligents, même si c'est des films d'action qui ont l'air un peu bourrins. Finalement, il arrive un peu à casser les codes avec beaucoup de thématiques dedans et à rendre les personnages intéressants, malgré le fait que si on ne s'attarde pas trop, ben c'est juste des mecs qui tirent sur des trucs et qui font exploser des immeubles. Finalement, il y a quand même beaucoup de thématiques derrière. Et bon, c'est pas moi qui voulais vous l'expliquer maintenant, mais en mode VHS passe un peu à côté de ça, parce que c'est pas le concept de l'émission, mais je vous conseille quand même d'aller voir quelques films sur Predator, notamment, qui a beaucoup été déconstruit sur Internet et qui est quand même extrêmement intéressant, finalement, même si sur la forme c'est un actionneur des années 80 avec Shorty qui bute un alien, quoi. Oui, dit comme ça, c'est pas très ragoûtant, mais dans les années 80, c'était assez novateur. En mode VHS, tout de suite avec Piège de cristal. Salut, bienvenue sur En mode VHS. En 1988 sortait Piège de cristal. Die Hard. Un film réalisé par John McTiernan avec Bruce Willis et Alan Rickman. Bienvenue à la fête. Ça commence, on est à l'aéroport de Los Angeles, il y a un flic qui débarque de New York. John McClane. Ouais, ce Uber qui l'attend, c'est un petit flic de LA. Hargai. Votre chauffeur. Et vas-y, Hargai, dans sa voiture, il a tout. On a tout. Bouteille d'eau, fraise tagada. Télévision. Petite musique funky. Y'a rien qui passe un peu plus Noël. Ouais, mais Skin John Vasil est venu passer le réveillon en famille parce que sa femme et ses gosses ils sont venus vivre à LA. J'ai un flic de New York, moi. Et là, il est venu pour les fêtes, Zama, pour se rabibocher. On peut rien vous cacher. Ouais, Uber, il arrive en Academy Plaza. Il lui dit, ah, vas-y, mon gars, ça part en couille avec ta zouze. Moi, j'ai un contre-plan soirée, je vais travailler voir des petites, t'inquiète même pas. J'achète le scénario. Eh, hey, je suis dans le parking, je t'attends. Sympa, regarde. Il débarque à la soirée. Ça pue l'oseille, y'a du champagne. Ben, allez, les gens lui font la bise. Mais là, John, il piste en japonais, Takagi. Joe Takagi. Bonjour, monsieur. John McClane. Takagi, il l'amène dans le bureau de sa femme, et là, il crame un mec en train de taper. Ellis. John, il le regarde, il dit 13 l'Arknouna, là. Et là, il y a sa femme qui débarque. John. Sur le côté, il y a un Camtar, il débarque à Nakatomi Plaza. Il y a un Mercedes, il se garde. Il y a Trivette et Depardieu, ils en sortent. Karim récupère le ballon. Ils sont en train de parler de baseball. Karim, ouais, t'as pas vu le match, il tapait dans la base. Il passe à AC. Depardieu, il sort un broly. Ouais, le Camtar, il s'ouvre, et dans la remorque, frère, il y a une dizaine de terroristes qui sortent. Ah, c'est des Allemands. Et leur chef, c'est Edouard Baird. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, les chelous débarquent à la soirée, ils font le hell up. Hartung, calmez-vous, Hartung. Mesdames et messieurs. John, il se met sur le côté, il voit, il y a des terroristes. Il se vesquille pieds nus, il monte à l'étage direct. En bas, Edouard, il commence son speech. Joseph Yoshinobu Takage, né au Japon. Licence de droit. Bac pro, études de prix. Diplôme de gestion. Et l'autre, il dit, c'est bon, arrête de sortir mon CV en public, frère. Ça suffit. Ils essaient de gratter un code. Mais je n'ai pas ce code. Je vais compter jusqu'à 3. Moi, je ne sais rien. J'ai pas le code qu'on a mis. Vous allez devoir me tuer. Ouais, il lui met une balle dans la tête. Les terroristes, ils sont là, c'est pour un coffre-fort. À l'étage, John, il en galère et il déclenche l'alarme. L'incendie. Et là, il y a le frère de Depardieu, il commence à s'avancer. John, il va se planquer. Les pompiers sont partis. Personne viendra. Personne va te sauver. On entend un bruit de disqueuse. Ça attire le terroriste. Et là, John, il le braque. C'est la police. Il s'accroche, il commence à l'étrangler. Il le tape contre des poteaux, il le tape contre un mur. Hartung, Hartung. Après, il tombe dans les escaliers, le nazi, il meurt. Après, il lui prend ses munitions, il prend sa radio, son sac. Il essaie de lui gratter ses chaussures et il voit, il a des petits pieds, il le brûle. Voilà, on coupe là parce que la vidéo dure 10 minutes. Généralement, c'est ça, hein, c'est entre 7 et 10 minutes pour un mode VHS. Donc, ça va, c'est quand même assez rapide. Voilà, donc vous avez pu constater effectivement le rythme un peu effréné, les blagues non-stop, le langage assez familier. Voilà, quelque chose à ajouter, Pchinté ? Non, je conseille d'aller voir. Parce que peut-être que à la radio, sans l'image, c'est peut-être ça perd un petit peu. Je m'en rends pas compte. C'est vrai, derrière du montage, ils refont un logo en leur sauce, etc. Il y a vraiment beaucoup de montage et c'est quand même très très bien foutu. Et c'est très visuel aussi. Exactement, c'est très visuel. Allez voir vous-même. Voilà. Et abonnez-vous. Voilà, activez la cloche aussi. Et on va passer à notre dernier sujet. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est ensemble. On va passer à notre dernier sujet présenté par Bichente. Tout non essentiel. Bichente, pour ce dernier sujet, qu'est-ce que tu as choisi ? Tu nous parlais d'un mouvement. Exactement, un mouvement donc, qui date des années 80, mm-hmm. qui était au Pays Basque, et qu'on appelle le rock radical basque. Donc voilà, je pense que ceux qui connaissent le rock radical basque avaient déjà deviné à l'intro ce que c'était. Si vous n'avez pas deviné, ben vous avez perdu le jeu, et on verra la prochaine fois pour le jeu suivant. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Alors déjà, il faut savoir que le rock radical basque, tel qu'on le dit, rock radical basque, c'est un mot qui a été utilisé, enfin une phrase qui a été utilisée par un journaliste, mais les groupes qui sont dans ce mouvement ne réfutent pour certains de faire partie du rock radical basque. Pour diverses raisons, il y a eu certains groupes, Eskorbuto pour ne pas les citer, qui, eux par exemple, ont déclaré qu'ils ne faisaient pas partie du rock radical basque parce qu'il y avait le mot basque dedans et que pour eux, le rock n'a pas de patrie. Oh. Voilà. C'est ça qui est assez marrant dans ce mouvement, c'est qu'on ne veut pas faire partie de ce mouvement. Parce que certains groupes, c'est quand même... Mais ça va bien avec leur musique et leur façon de penser. Ouais. Parce que, si tu veux, c'est un mouvement qui a été créé dans un contexte politique et social. Donc, on est au Pays Basque dans les années 80. Ouais. Il y a donc, on est en transition après le franquisme. Ouais. Il y a une crise économique, mais de dingue. Majeure. Et il y a ETA, donc État, qui accroît encore plus ces attentats. Donc, il y a une répression de l'État espagnol qui est assez forte en Pays Basque. Contre les Basques. Basques. Et donc, du coup, ce contexte-là fait que la jeunesse, c'est très urbain, c'est-à-dire que dans les villes, ils vont se mettre à faire essentiellement du punk, du punk et du rock. Du punk et du rock contestataire. Mais ce qui était quand même très très marginal avant ce mouvement-là, il y avait quelques groupes de rock, mais c'était déjà la nouveauté. Il y a quelques années avant ça, c'était de la nouveauté de rock. Oui. C'était pas quelque chose du tout établi, quoi. Non. Mais ils se sont inspirés, en fait, du punk anglais, qui est... Voilà, ils sont beaucoup inspirés de ça. Mais dans ce mouvement-là, il n'y a pas que du punk et du rock. D'accord. Il va y avoir aussi, par exemple, du reggae. Ouais. Comme on peut l'écouter, si tu veux ouais, bien. Avec alors, quel groupe, tu alors, veux dire c'est, alors, l'extrait que j'ai choisi, c'est Potato avec Tijuana in Blue. Et le nom de la chanson, c'est Jamaica Ska. Jamaica Ska. Oui, donc pas du tout du punk, finalement. Non. Bon, après, c'est... Mais c'est quand même des groupes de punk, ces deux-là, en plus. Tijuana in Blue, oui. Oui. Potato, mais... non, je connais pas très bien Potato. Non, Potato, non, c'est du reggae et du ska. D'accord. Voilà. Qui a vachement aidé, après, derrière, tous les groupes de ska et de reggae espagnols, ils sont beaucoup inspirés de Potato. Mais, voilà, on les met dans ce mouvement-là, parce que il y a... Qu'est-ce qui regroupe en fait les groupes de ce mouvement c'est la critique sociale, politique. Ils vont critiquer énormément l'État espagnol, la police, la monarchie, l'Église catholique, l'armée, les corridas. Du coup, c'est plus un mouvement politique qui se centre ensuite autour de la musique plutôt qu'un mouvement, musical qui après s'est politisé. Ouais, je pense que c'est un mouvement musical, mais qui est axé pas sur la musique. D'accord. Il est plus axé, non, mais il est plus axé sur ce qu'il représente politiquement et de critique mm-hmm. sociale. Parce que pour les purs musiciens, bon, ceux qui aiment la musique mm-hmm. Ne vont pas aimer, critiquent beaucoup le punk mm-hmm. par sa simplicité. Mais justement, la simplicité du punk fait qu'il est accessible à tout le monde mm-hmm. et ils se sont retrouvés à faire ça parce que c'était la chose la plus simple à faire. Et c'est quand même quelque chose qui est assez dur et qui correspond bien à la critique qu'ils avaient à faire et à toute l'énergie en tout cas ouais. qu'ils avaient et qu'ils voulaient transmettre. Et puis les premiers punks étaient déjà en plus en contestation quand on écoute les Sex Pistols pour citer peut-être le plus connu. Mm-hmm. Depuis tout début, le punk est en contestation. Exactement. Donc c'est naturel derrière de jouer oui. du punk pour contester, finalement. Exactement. Et après, voilà, comme je disais, il critique énormément l'État espagnol. Ouais. Je te propose qu'on écoute un petit extrait peut-être pour. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute ? On peut écouter la polla, hoy vamos a explicar la palabra feo. Donc voilà, et il parle du roi, de la reine, de tout ça. Allez, c'est parti, la polla. El rey es feo, es mogollón de feo. Cualquiera puede verlo, que feo que es el menda. La reina está muy fea, con su vestido azul. Y aunque se vista de seda, reina se queda. Alors là, on voit, en plus du fait que c'est quand même très visible qu'il critique le roi et la reine, que c'est du punk, c'est énergie, etc. Mais c'est pas violent, c'est pas la musique est quand même très festive, quoi. Alors, La Polla, en particulier, ouais. A toujours joué ce côté ironique dans les, d'accord. Un côté un peu ironique, mais pas tous les groupes, Il y en a qui sont très, ouais. très bornés dans les. Très bornés sur leurs idées et, ouais. et qui n'ont pas du tout ce recul que peut avoir La Polla dans ses textes, en tout cas. Mais du coup, musicalement, ça s'accompagne aussi de musique plus rendedant, plus rude, oui. moins... Oui. Parce que là, les chœurs à la fin, on pourrait remplacer ça par des trompettes et c'est parti pour faire du ska, quoi. Ah, oui, totalement. Mais La Polla a aussi des chansons plus dures. D'accord. Et après, alors, vous allez me dire, on parle de rock radical basque mm-hmm. et ils chantent en espagnol. On écoute deux groupes en espagnol. Exactement. Et alors, c'est la particularité, c'est que quasiment tous les groupes chantaient en espagnol. D'accord. Mais il y a eu après, derrière, des groupes comme Cortatu mm-hmm. qui ont basculé du côté... Abertzale, donc mmh. Abertzale, ça veut dire patriote en basque, ça veut ouais. dire, qui défendent, si tu veux, qui ont des valeurs indépendantistes, on va dire. Qui n'a pas la même connotation que le patriote en français, quand même. Oui. Qui littéralement veut dire la même chose, mais quand même oui. N'est pas mettre au même plan. Et du coup, il y a eu ces Cortatu qui a évolué, je prends cet exemple, qui avait mmh. les deux frères Muguruza qui ont derrière fait un autre groupe qui s'appelle Negugorriak, mmh. qui eux, pour le coup, ont chanté qu'en basque. Et qui ouais. reste du rock radical basque. Mais la plupart chantaient en espagnol. Et qui est quand même passé, si on passe de Cortatu à Negugorriak, qui est quand même Negugorriak, un groupe qui est plus dur musicalement aussi, qui est un peu plus violent. Oui. Et eux, Negugorriak, ont axé leur musique et leurs textes mm-hmm. sur le Pays basque. C'est-à-dire qu'ils ont d'accord. choisi la voie politique à Bertel, les choses qui n'est pas vraie pour tous les autres groupes. D'accord. Et du coup, je vous propose d'écouter peut-être Negugorriak, ouais. une chanson qui... alors, cette chanson a une petite histoire, c'est que... C'est Itzegin, la chanson, c'est ça ? Ustelkeria. Ustelkeria. J'ai choisi Ustelkeria. Ustelkeria, pardon. Ustelkeria, oui, c'est... En fait, il dénonce l'importation de la drogue par l'État espagnol. En tout cas, le fait de fermer les yeux et de ne rien faire pour... Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que l'État espagnol, pour endiguer le mouvement indépendantiste basque, mm-hmm. Avoir de la drogue, ça les arrangeait bien parce qu'ils voyaient bien qu'avec l'héroïne qui arrivait au Pays basque, dans les années 80, il faut savoir que le Pays basque avait un taux de toxicomanie qui était... plus élevé qu'à New York. Ah oui. Oui, au Pays Basque Sud. Donc, mais prends ça, on dit Warhol. Non, mais c'est, voilà. Donc, il faut savoir que l'État espagnol, ça les arrangeait bien parce que, un héroïnomane, forcément, il va être moins contestataire. Oui, oui. Après, sa petite piqûre. Et, donc, ils ont fait cette chanson en, donc, pour contester le fait, et ils l'ont mis en lumière, ils ont mis en lumière ce procédé-là. Negurek ustelkeria, qui veut littéralement dire pourriture, mais qui, non littéralement, veut dire corruption. Voilà, pour la petite histoire. Negurek. Ustelkeria Negurek, donc là on reconnaissait bien la voix de Fermín Muguruza, le Fermín National, un peu le plus grand businessman musical de tout le Pays Basque. T'es méchant. Vrai. Oh bah méchant, c'est un fait, je suis désolé. Non. Le plus grand producteur de tout le Pays Basque, on va dire. Oui. Ça va mieux. Mais il a quand même énormément apporté. C'est vrai, mais je ne le nie pas. On peut pas lui enlever. Je ne nie pas ça. Pour revenir à mon sujet, donc là on a écouté quelque chose en basque qui a... Donc cette partie-là qui a énormément aidé, je pense, les mouvements politiques, je pense que c'est énormément appuyé sur ces groupes-là pour se populariser. Et je pense que sans la musique, le visage politique actuel au Pays Basque ne serait pas du tout pareil sans ce mouvement-là. Je pense qu'il a amené un engouement pour le fait d'être basque et de gauche, parce que ça, on parle bien de mouvement indépendantiste de gauche. C'est vrai. Je pense qu'ils ont fait énormément, et je pense que sans le mouvement politique, ils auraient beaucoup moins marché, mais je pense que le mouvement politique aurait beaucoup moins marché sans eux aussi. C'est vrai. Voilà, je pense que ça s'est très bien trouvé. Donc finalement, un des nombreux cas, mais qui deviennent peut-être un peu trop rares, où l'art finalement accompagne une idéologie et finalement la fait passer à un niveau supérieur. Exactement, exactement. Mais il y a eu d'autres groupes qui ont moins choisi qui sont restés plus de gauche en étant basque, mais qui ont choisi de ne pas être trop rattachés à la politique et qui ont refusé parce que les mouvements politiques de l'époque ont eu cette bonne idée, je pense, de faire des meetings politiques entrecoupés de concerts. Et ça, c'est vrai qu'au Pays Basque, c'est une méthode qui reste encore beaucoup. C'est-à-dire que toute manifestation, il y a toujours la fête. Il y a toujours la fête. Mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Je regardais à la fois un documentaire sur Gojira qui joue par exemple ça s'appelle l'humain. La fête de l'humain. À la fête de l'humain avec Gojira. Ce qui semble quand même un peu antinomique entre les deux, ça reste vrai ailleurs, et c'est vrai que c'est un moyen d'attirer le chaland. Mais au Pays Basque, c'est quand même d'autant plus vrai. C'est vrai. Et puis, donc, du coup, il y a eu des groupes qui ont refusé d'être rattachés au mouvement politique. Je pense par exemple à Eskorbuto, qui est plutôt resté, qui reste, je pense, un des plus gros groupes de ces générations-là, mais qui a refusé et qui s'en sort très bien et qui est quand même vachement aimé par tous ceux qui sont dans le mouvement politique, même s'ils ont réfuté ça, ils sont quand même vachement appréciés. C'est ça qui est assez ironique aussi. Et je peux vous proposer d'écouter un extrait d'Eskorbuto qui s'appelle Mucha policía, poca diversión, et donc qui critique la police essentiellement. Mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, poca diversión, represión, represión, mucha policía, poca diversión, un error, un error. Oui, donc effectivement, là, du punk un peu plus brun que la poignée qu'on a écouté tout à l'heure. Exactement. Et bien, je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas le mouvement, ont déjà une petite idée à se faire. Je pense qu'après, il faut aller chercher des infos si ça vous intéresse. Après, ça est quand même documenté, on trouve facilement des choses sur Internet. Sur Internet, on trouve facilement des choses. Et je pense que vous ferez votre propre avis, mais c'est compliqué de retranscrire de retranscrire une époque, surtout qu'on n'a pas connue, comme moi. Mais justement, ce que j'aime, c'est un peu l'imaginaire. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'était mieux avant. Oui. On a toujours, en musique, on a toujours cette tendance à croire que c'était mieux avant. Bon, quand j'écoute les groupes actuels, ça me confirme, mais non, je suis méchant. Et donc, je vous laisse aller chercher les choses et essayer de creuser. Mais on peut finir donc, sur le rock radical basque par, je pense, un groupe qui n'est pas trop connu, en tout cas au Pays Basque, qui est moins connu que Negogoriak. Tout à fait. Moi, je ne connaissais pas Rock Tampark il y a quelques semaines. Et ben, moi, j'ai connu parce que je l'ai trouvé dans des vinyles qui étaient dans des greniers. Ah, ben voilà, très bien en plus. Du coup, c'est donc ça s'appelle Tijuana in Blue et c'est du punk assez festif qui a des cuivres et qui a joué d'ailleurs la chanson de Avec Potato qu'on a écouté au début. Tout à l'heure, voilà. Et donc je vous laisse découvrir ça. Et voilà, pour finir avec le rock radical basque, Michel, peut-être tu pouvais juste nous rappeler les 4 ou 5 groupes qu'on a écoutés. Alors, on a commencé par Potato, qui était le groupe reggae. Ensuite, on a écouté La Poya Records. On a aussi écouté Eskorbuto. Ouais. On a écouté Negogoriak. Negogoriak, qui était le seul en basque. Ouais. Et on a fini par Tijuana in Blue. Et c'était très bien. Parfait. Eh bien, je te remercie, Vicente Iribarren. Eh bien, merci à toi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de parler d'un sujet qui me passionne. Ben, j'espère que tu reviendras, du coup. Mais avec plaisir. Parfait. Avec plaisir. Et ben, moi, de mon côté, je vous dis au revoir à vous, auditeurs et auditrices. Et je vous dis à la semaine prochaine où vous écouterez certainement, si tout va bien, une émission un peu spéciale. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, à la semaine prochaine. Et on va dire bon week-end et bon fin de week-end. Et voilà, salut Bichette. Salut Mathilde, merci encore.